France. On est le 15 avril et 22 camarades du comité d'action et de soutien des sans-papiers ont été arrêtés aujourd'hui alors qu'ils se rendaient à un meeting libéral européen à Tour et Taxi. Et ils sont actuellement concentrés à l'Amigo. Et une petite manifestation s'est spontanément organisée. La vogliamo.